Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 4, du samedi 15 septembre 1883. Page 5, colonne 1. Southbridge, Massachusetts. Monsieur le rédacteur, soyez assez bon, s'il vous plaît, d'insérer ce qui suit dans les colonnes de votre intéressant journal. Lundi, 3 septembre, avaient lieu les élections du Cercle canadien de Southbridge. Les officiers dont les noms suivent furent élus. Président, Horace Dessel. Vice-président, Anatole Caron. Secrétaire archiviste et correcteur, Charles Giard. Assistant documentaliste, Arthur Marcotte. Trésorier, J.D. Blanchard. Collecteur, Alfred Galipeau. Bibliothécaire, Félix Gatineau. Commun ordonnateur, L.A. Robillard. Directeur, Dr. J.A. Robillard. Avant l'ajournement, il a été proposé et adopté à l'unanimité qu'un vote de remerciement soit offert au propriétaire du Courrier de Worcester, de l'Étendard, Montréal, du Jean-Baptiste, Northampton, et de l'Abeille, Lowell, pour l'envoi gratuit de leurs journaux. Charles Giard, secrétaire. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike et est une production 2014 des Éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'aveniraudio.canalblog.com. Merci de votre attention et à bientôt.